B-boy au pays des cyborgs. Diversidad ouvre le dialogue. C'est quoi? Spike Miller à la prod. Promo, curse. DJ Crucefader. Monsieur Abdel Malik. Noura Nord. Sam the Kid. Nick Fury. Mucho. Shuriken et AKH. Balogi au mic. Dealer, c'est quoi? Come on. I dive in head first with the diversity and embrace our whole race universally. Call me naive for the way I love all humans. Call me a rebel for the way I hate all rulers. Still, that wouldn't even begin to explain everything that I am. The things that made me a man. What separates and unifies me with her and with him? Well, it must have been music again. In diesen Tagen, wo Probleme Problemen folgen, sich Menschen aus jedem Volk gegen andere auflehnen wollen, befolgen wir vor allem die Gesetze nicht, die uns fesseln. Ich glaub an offen Grenzen, Barrikaden, widersetze ich mich. Curse. Es lässt sie nicht auffallen, wenn's Menschen, denen niemand die Hände reicht, endlich reicht und sie sind so Faustballen. Da brennen Städte und Banlieues, es sei denn, es gibt ein Ziel, für das wir uns alle vereinen. International comme le hockey jazz, de phase en phase, je pose les bases. Européanisme, style, j'appelle NAP, universalise, flow, encyclopédique, oh tu le sais. Ton PC en guise de borne des coups dans l'Europe des provinces, on sème le doute. Ok, kick comme, big comme, écrit comme tu lis comme, lit comme, légendaire Abdel Malik comme Malcolm. People always get together when the music starts to play. Major difference doesn't matter, melodies are here to stay. Feeling that this beats and rhyme deep inside. No loud music. Here's what you will find. É assim que eu me expresso, lê a capta o universo, vê no mapa que é diversa, qual eu pertenço, ST. Capa à distância que encurta, vê-se a diferença. Há-te a semelhança que fortalece uma prece sensata. Houve o que eu misturei, eu trouxe o Cristo Rei. E tu ouviste bem, nada disto tem sido visto em. Explora a língua do Camões e já pões o ouvido naquilo que exporta em ações. Apois. Personne ne me carotte, viens du Maroc, j'ai la subha dans le carrosse. C'est en Europe que l'on œuvre de Noisy Sec jusqu'à Rome. Flashé par vos radars, mort au bâtard. SVP, j'aime le PSV, j'ai le maillot bâtard. Les incoups passent du coq à l'âne, glissent sur des pots de banane, font des marathons dans le paradoxe, recherchent du port à l'âne. C'est la nouvelle CEE, dans tes deux yeux. C'est la caution, Nick Fury, mes rues et mes heureux. People always get together when the music starts to play. Major difference doesn't matter, melodies are here to stay. You and that this beats and rhyme deep inside. No loud music is what you will find. Oh, oh, oh. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? París, Barcelona, tic-tac, pas-pas. Me fumo tu nacionalidad, pasaporte a la paz. Viaje a ningún lugar, tirado en el sofá. Está claro, c'est clair, all is clair. Mi nombre es Mucho Muchacho, skinny banana cap. Mi religión es el hip-hop, escupiendo en el track. Con inmunidad diplomática y disciplina militar. On sue sur ces sons, on vit pour ces sons. On élève ces sons, et on détruit ces sons. Ce rythme indécent, on l'a dans le sang. On affine la forme en misant sur le sens. C'est du rap zone euro, mais pas du billet. Du cash, du ro-ro, non. Non, du mic plié. Là, y a pas photo, mais c'est pas de nier. Hip-hop, don't stop, là ça y est, y est. People always get together when the music starts to play. Major difference doesn't matter, melodies are here to stay. You and I, this beats and rhyme deep inside. No loud music is what you will find. Oh, people always get together when the music starts to play. Major difference doesn't matter, melodies are here to stay. When that there's beats and rhymes deep inside.